On peut changer. On peut changer. Chipper les bons tuyaux. Il y avait des gens qui prenaient des photos de YouTube et ils en avaient rien à branler, ils prenaient la photo du groupe YouTube. plus disponible. Ces paroles ne sont plus disponibles. Thank you. Circles. Like a Chopin, ding ding ding, and all other à fond, quoi. Rainy day. Don't change. Wow, wow, wow, wow. Yes, I know his song. Just a minute. Je faisais les accords. Oh. avec le couplet. Vous persévérez dans la vie, sinon on a. Putain, je trouve plus les paroles. Putain, j'ai plus les paroles. Allô, où sont les paroles? Ah si. Non, c'est les traductions. Direct. Direct les traductions.